troisième bloc dans cette émission best-of de l'émission Hellbanger du premier semestre 2022. Nous aurons notamment Misery Index, le groupe de death grindcore un peu hardcore qui nous vient des États-Unis. Ils sortent là leur 7e album studio. C'est brutal, c'est frontal. Malheureusement, je retiens plus grand-chose des albums studio de Misery Index. Sacrificer, ensuite un autre groupe alsacien. Ils sortent là son premier album, premier véritable album après un EP déjà ma foi très très bon et très très riche qui était sorti en 2019. Sacrificer, on est sur du speed trash qui dégouline le black. Cet album est absolument terrible. Messa, ensuite groupe dont vous allez beaucoup entendre parler dans les années à venir, groupe de doom italien qui est emmené par une vocaliste. Ils sortent là leur troisième album studio, un doom très très riche en termes d'influence, à la fois dynamique et pesant. Saïsefin, ensuite groupe de black qui nous vient de Lituanie. C'est malsain, c'est dissonant, c'est agressif et ça vient clairement puiser ses inspirations dans les scènes black françaises et islandaises. Et en termes d'ambiance et de travail forcément sur les atmosphères, c'est absolument terrible. Undeath, pour clôturer ce troisième bloc, du death ricain bien inspiré de ce qu'on pouvait trouver aux US dans les années 90. Forcément, dans les inspirations, on retrouve en tête de liste Cannibal Corpse. C'est groovy, c'est violent et c'est terriblement efficace ce que nous propose Undeath, même si la recette a déjà été bien exploitée. Ma foi, c'est plutôt bien interprété. Qu'est-ce qu'on va s'écouter tout de suite au niveau de ces groupes-là? Misery Index, The Eaters and the Eaten. Sacrificer, La Cathédrale, c'est le titre qui clôture l'album. C'est un morceau que j'ai eu un petit peu de mal à écouter, et en fait c'est celui que je trouve limite le meilleur de tout l'album en termes de prise de risque et d'inspiration. Messa, le morceau Rebedo. Saisyphin, Scorchless, Timeless. Et Undeath, le morceau Necrobionics. Et tout ça, c'est des albums qu'on vous a diffusés entre avril et mai. C'est parti.

Toujours à l'écoute d'Hellbanger, on est dans l'émission spéciale Estival 2022 avec une rétrospective de nos meilleures sorties, clairement basées sur nos impressions, du deuxième trimestre 2022, hein, extrait des focus et autres spotlights qu'on vous a égrenés au long des semaines et des mois. On attaque le dernier bloc pour ce soir, un bloc composé de 6 groupes français et internationaux. Nous avons tout d'abord les Français de FT17, le groupe de Black Death nantais, inspiré par le thème de la Première Guerre mondiale, qui nous a sorti son troisième album studio N1914, une sortie sur le tout jeune label Lord Ali Noir. Pour moi, encore un excellent album de FT17. Doublette française, puisqu'on retrouve ensuite les Grindeux de Besançon, Worst Nation, Craving Rap. Ils sortent leur nouvel effort studio Dearth, une sortie toujours chez Bones Brigade Records. Worst Nation, c'est des titres ultra courts, le grindcore à son essence la plus sublime. Sunster, ensuite formation lilloise, c'est même une triplette française. Sunster, formation lilloise. On est sur du sludge post-hardcore avec même des éléments prog. Voilà, c'est le troisième effort studio. On est toujours d'inspiration sumérienne en termes de thème. Voilà, ça fait le lien avec Sumerian Tombs. C'est lourd, c'est hypnotique. Et c'est hyper recherché en termes de sonorité. C'est un résultat assez monolithique, mais pas chiant. C'est toute la subtilité du style. Nous aurons ensuite une des meilleures découvertes en termes de death, technical death, artificial brain. Le groupe Rickin qui a sorti là son troisième album studio. Un album éponyme du death dissonant, torturé, rehaussé de black. Et ça reste ultra... ultra complexe et voilà, presque hermétique, même Artificial Brain, la musique du groupe Rickin, voilà, faut se poser pour l'apprécier. Analepsy, le groupe de Brutal Slam Death portugais qui nous sort enfin son deuxième album studio. Portugais, d'ailleurs, le groupe n'a plus que cette appellation-là parce que le leader est portugais, mais on a des icos belges et qui viennent d'un petit peu partout. On prend un virage thématique d'inspiration warm, parce que là c'est le cosmos à fond les ballons. Et ma foi, on s'éloigne un tout petit peu du slam pour être vers quelque chose d'un plus brutal death. Et la recette prend encore très très bien pour ce nouvel effort studio d'Analepsy. Et pour clôturer le dernier bloc et cette sélection best-of deuxième trimestre 2022 pour l'émission Hellbanger, on va se quitter avec Reaper, une excellente découverte, une toute récente formation de Blacknet Speed Trash qui nous vient d'Australie. Ils sortent là son premier album studio, on est sur un énorme hommage à tous les premiers albums de Sodom, Elhammer et autres Bathory. On est sur du punk proto-black, vraiment extra, c'est old school, true à fond, c'est du Maniacs Metal à fond les ballons, et puis ça s'écoute très très bien. À couteau tiré, c'est le titre de FT17, Craving for Death, que j'ai fait vendre tout à l'heure, Worst Nation, Abgal, The Very Rise, signé Sunster, Glitch Canon, Artificial Brain, Stretched and Devoured de Analepsy, avec en guest Mr. Angelo Choa, Reaper, le morceau Mass Grave. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, et à très bientôt, l'émission sera de retour le premier dimanche de septembre, ciao ciao. s'élance hors de nos trous, quittant cette position devenue intenable. On court vers le bois, concentré vers l'abri de sa lisière, ignorant ce qui tombe autour de nous dans un instinct de survie primaire. Ce n'est que là, reprenant mes esprits autant que mon souffle, que je prends conscience de la situation. Éparpillés dans ce bois et avec de lourdes pertes, nous allons devoir préparer la contre-attaque.